Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Joséphine Dray. Bah, bonjour Sofiane. Bonjour, alors ouais, galère, c'est vrai que je pense que je n'ai pas été non plus trop accablée dans mon petit parcours d'humoriste parce que j'en ai peut-être pas assez déroulé justement dans ce, parce que je n'ai pas fait beaucoup de scènes ouvertes ni rien. Je sais qu'il y a beaucoup de galères dans ce secteur-là. Mais il n'empêche que j'ai quand même deux galères dont je me suis tout de suite immédiatement souvenue. La première étant celle, je pense, que tout humoriste redoute. C'est-à-dire que la première fois de ma vie que je suis montée sur scène pour mon spectacle, mon premier spectacle, donc il y a plus de 10 ans, ma première fois, j'avais invité donc toute ma famille, tous mes amis, j'ai vraiment fait le choix de, genre, de mettre tout le monde la première. Et j'ai eu ce qu'on appelle le vrai trou noir dès le bonsoir. Non, mais dès le premier mot. C'est parce que le côté trou noir d'avoir un moment, une perte de texte à un moment, pourquoi pas. Mais dès l'arrivée, c'est comme si je sautais dans le vide et j'ai dit bonsoir. Et c'était un écran noir. J'ai cru que je faisais un malaise. Et j'ai dû tout de suite, c'est quand même horrible pour ma petite première, demander mon texte au régisseur de tout de suite, quoi. Ça m'a traumatisée. J'ai voulu arrêter le métier après, juste après cette représentation, et ça me marquera à vie. Mais c'est la première fois de ma vie que j'ai fait un spectacle, j'ai tout de suite paumé mon texte, quoi. Donc ça, c'est quand même pour moi bien violent. Ben c'est très violent, c'est sûr, mais comment a réagi le public à ce moment-là, vu que c'était tes soutiens et tout ? Justement, voilà, c'était aussi quand même une chance, parce que ça a été pour moi beaucoup de bienveillance. Ça n'a pas été, il n'y a pas eu des gens qui se sont levés, qui sont partis. Donc au contraire, les gens ont plutôt applaudi, ont rigolé, etc. Alors que moi, j'étais tétanisée, bien sûr, mais eux, ils ont plutôt très bien réagi. Et heureusement, parce que la même chose me serait arrivée avec un public que de gens qui ont payé tous leur place pour dire bah, vas-y, fais-nous rire. Je pense que je m'en serais moins bien relevée. Ouais, j'imagine. Mais, ouais. Ça m'a traumatisé longtemps, hein, quand même. Bah, j'imagine, ouais. Le public, en fait, a un peu ce réflexe-là. Moi, je le vois très souvent. On a une scène ouverte à Bordeaux qui s'appelle le Gavé Style tous les jeudis. Et on a de temps en temps des personnes qui ont des trous de mémoire, ce qui arrive à tout le monde, évidemment. Moi, c'était ma hantise. C'est normal, tu te dis quelle est la phrase d'après et tout, et puis après t'as un trou, que ce soit au début ou au milieu de ton texte. Et en général, le public, le premier réflexe qu'il a, c'est d'applaudir. C'est trop mignon, en fait. Il se dit vachement plus que ce qu'on pense. Après, j'ai mis des années à dédramatiser et finalement, je me suis bien détendue. Mais on les a pas briefés en plus. Hein. Tu sais, genre, on n'arrive pas en disant mesdames et messieurs, si jamais il y a un trou, vous applaudissez. on devrait. Mais en fait, c'est naturel chez eux. C'est une espèce de bienveillance, comme tu le disais tout à l'heure. Et par contre, je pense, tu sais, tu disais, il y a pas des gens qui se sont levés et qui sont partis. J'avoue que s'il y a un petit trou de mémoire et que les gens se lèvent et se barrent, punaise, ils ont zéro patience, quoi. Je pense que si ça arrivait, allez, on va dire quelqu'un qui fait un spectacle d'une heure et ça lui arrive 8 ou 9 fois dans le spectacle. Oui, là c'est autre chose. Là, t'as envie de dire, allez, retourne bosser, quoi. Voilà, là, je pense que c'est même obligatoire que les gens sortent. Oui, mais c'est non, ça va. Et puis après, le reste du spectacle, comment ça s'est passé ? Et ben après, ma première représentation, j'ai vraiment voulu arrêter ce métier, c'est ça qui est terrible. Et après, c'était justement ma famille, mon meilleur ami qui me mettait en scène à l'époque, qui m'a calmé, qui m'a dit c'est vraiment que c'est que le stress, c'était que du stress. Je connaissais mon texte sur le bout des doigts, je pouvais le réciter en pleine nuit. C'était vraiment un truc de j'ai dû bosser sur mon stress, en fait, sur mon trac. Pendant des années, ça a été. Donc, c'est plutôt de. Voilà, c'était pas genre j'ai pas assez bien travaillé, je savais très bien, je connaissais pas parfaitement. Donc, ça m'a fait angoisser pendant très longtemps parce que j'ai eu peur pendant très longtemps que ça se reproduise. Mais en fait, j'ai toujours su parfaitement mes textes et j'ai appris à me faire confiance, surtout. C'est ça. Oui, c'était plus de l'inexpérience, quoi. Complètement. Normal. Ça, c'est sûr. Et ça t'est jamais arrivé depuis ? Eh ben non, ça m'est jamais arrivé depuis. Nickel, voilà, tu vois. Première fois, quoi. Eh bien oui, mais c'est la première fois que tu montes sur scène. En plus, alors je sais pas comment ça se passe pour ceux qui jouent directement devant des gens qui connaissent. Moi, je sais que j'ai eu la chance, parce que moi, je suis de Clermont-Ferrand à la base, et j'ai eu la chance de commencer à Bordeaux. Donc, ça fait que j'ai pu me rôder tout seul, tranquille, avec des inconnus tout le temps, tu vois. Et après seulement, après quelques, je dirais peut-être 2 ans ou un truc comme ça, c'est là que j'ai pu montrer mon travail à ma famille. Donc, ils ont vu quelque chose. Ah ouais, t'as fait dans ce sens-là. Moi, j'ai vraiment fait direct gros... J'ai tout misé sur le premier truc, quoi. Mais je regrette, avec le recul, j'aurais dû faire comme toi. Ben, en fait, après, ça aurait pas été facile. Toi, la différence, c'est que ta famille est avec toi dans la même ville. Ouais. Moi, si j'avais ma famille à Bordeaux, je ne les aurais pas empêchés de venir. Au contraire, j'aurais peut-être dit, venez, tu vois. C'est par la force des choses. J'étais à 400 km, donc forcément, je ne pouvais pas leur dire de venir. Voilà, c'est donc quand je leur ai présenté un produit, c'était un produit pas abouti, mais on va dire semi-fini au moins, tu vois. C'était pas. Ouais. Donc, mais je comprends et je compatis totalement. Et c'est beau quand même de voir que tu as quand même tenu le coup et que tu t'es accroché. Oui, et que voilà, exactement. Avec le recul, je me dis aussi que je ne regrette pas d'avoir repris mes esprits, quoi. Mais ouais. Et alors, du coup, la deuxième galère, qui est quand même finalement vraiment la vraie galère, j'aurais dû même commencer par là parce que je trouve que bon, c'est quand même assez ridicule. Enfin, c'est qu'en fait, donc, il y a longtemps, je travaillais avec un tourneur qui devait s'engager à me faire faire des dates de tournée, donc en dehors de Paris. Mmh. Et ouais. Il avait, comme c'était un gros tourneur, il avait des gros artistes et ça tournait beaucoup pour lui. Et donc, il avait décidé de me mettre en première partie de certains de ses artistes. Pour des voilà, donc j'ai fait des choses incroyables. J'ai joué à Arles, dans les arènes de Carcassonne, devant 5000 personnes en première partie d'Yannick Noah, des choses incroyables. Wow. Mais en même temps, parfois, ça tombait pas toujours exactement. Il me mettait dans toutes les opportunités qu'il pouvait, mais pas toujours adapté. On sait très bien ce que c'est, les premières parties. C'est jamais exactement adapté au public parce qu'ils viennent voir quelqu'un d'autre que toi. Et, oui, c'est un exercice où tu dois les conquérir, quoi. Exactement. Et donc, un jour, le tourneur me dit, tu fais une première partie à Toulon, avant les Chevaliers du Fiel. Alors, donc moi, je me dis, c'est pas spécialement mon humour, mais je suis ravie, je suis trop contente, super bel endroit et tout, devant 1000 personnes, donc je suis au taquet. Mm-hmm. Et c'est là que la galère commence. Le jour même, il me dit, oui, en fait, il faudra par contre, alors c'est un peu plus qu'une première partie, il faudrait que tu joues une heure. Mais alors là, je fais pardon, partie, je dis, excusez-moi, mais moi, mon spectacle, il dure 1h05, donc en fait, je vais jouer mon spectacle. Donc ça, c'est quand même pas du tout une première partie. Oui, en fait, et là, du coup, il m'explique, mais tout ça rend le jour même. Oui, en fait, c'était pendant le Festival d'Avignon. Les Chevaliers du Fiel arrivent après leur représentation à Avignon en hélicoptère pour pouvoir jouer après. Donc, en fait, il faut que tu fasses patienter le public parce qu'on n'aura pas dit que le spectacle, en fait, est décalé d'une heure. Donc, en fait, ils m'ont utilisé en bouche-trou pour faire patienter le public des Chevaliers du Fiel sans leur dire il y a quand même un deuxième spectacle avant celui que vous êtes venu voir, quoi. C'est pas genre un quart d'heure, 20 minutes, c'est une heure. Et donc, alors là, c'est la galère qui commence, que du coup, je me pointe, je commence au spectacle, donc sans dire, ça va durer une heure, donc les gens pensent que c'est une première partie lambda. Le truc commence, tu vois, un quart d'heure, 20 minutes, déjà, faut quand même préciser que je n'ai pas exactement le même univers de, en fait, c'est un spectacle en plus musical et tout, j'ai pas vraiment le même univers que les Chevaliers du Fiel, déjà. Mais ça, soit, c'est très bien, et tant mieux pour les gens qui découvrent autre chose, mais du coup, c'était pas exactement aligné avec le public et leurs attentes, et au bout de 20 minutes, les gens ont commencé à huer et à crier, mais c'était tout à fait légitime. Moi, j'arrivais à faire la part des choses et à me dire, mais à leur place, je serais dégoûtée aussi. 25 minutes, 30 minutes, et les gens sont là, les chevaliers, quand ils commençaient à ne plus me laisser parler, tellement ils réclamaient les Chevaliers du Fiel. Et donc, alors déjà, ça, c'est une première partie de la galère. Donc, pour te terminer cet axe-là, j'étais forcée au bout de 35 minutes, comme ils continuaient de crier les chevaliers, etc. J'étais obligée de dire, arrêtez de crier, les chevaliers sont dans un hélicoptère, ils arrivent d'Avignon, ça ne les fera pas venir plus vite. Genre, j'ai commencé j'ai dû arrêter et interrompre le spectacle pour leur expliquer la situation. C'était complètement lunaire. J'aurais dit, ils sont dans un hélicoptère. Et d'ailleurs, après, c'était en plein air, pendant le spectacle, on a entendu l'hélicoptère et tout le monde a applaudi. Genre, c'est eux, tu vois, qui arrivent. C'était horrible. Zorro est arrivé, quoi. Donc voilà, donc ça c'était quand même terrible de faire une heure dans la douleur, alors que je savais très bien que c'était beaucoup trop. Tu peux pas faire une heure à quelqu'un alors que les gens sont venus voir un autre spectacle. Et deuxièmement, comme c'était en plein air et que j'ai joué à 18h, je me faisais piquer par des moustiques en même temps que je jouais et j'avais un petit tutu et je me suis fait, mais ravager par les moustiques pendant que je jouais. Mais genre, j'ai eu genre 17 piqûres pendant que je jouais. Et j'avais des points rouges qui apparaissaient pendant que je jouais. Je commençais à me gratter pendant que je jouais. Donc ça a terminé. Vraiment, pour le coup, c'est vraiment une vraie galère, quoi. Je me suis retrouvée à me démanger partout avec plein de points rouges en hurlant, arrêtez, les chevaliers du pied sont pas encore là, ils sont dans l'hélicoptère. C'était affreux, mais reste un truc culte pour moi, quoi. Ah bah c'est complètement lunaire, t'as utilisé le bon mot, c'est incroyable. Voilà. Et est-ce que tu penses que les moustiques aussi voulaient les chevaliers du fiel et c'est pour ça qu'ils compliquaient? Oui, c'est ça, je pense que c'est ça, tout le monde, ils étaient saoulés aussi. Et aussi, on leur avait vendu qu'ils pourraient piquer les chevaliers du fiel, ils étaient non, mais laissez-nous piquer les chevaliers du fiel, quoi. Non, mais c'était vraiment, quand j'y pense avec le recul, je me dis, mais rien n'allait dans ce truc, quoi. En fait, on t'a envoyé à la boucherie, quoi, on t'a envoyé à l'abattoir. Voilà. Mais c'est pas cool, en plus, le jour même, ah oui, au fait, c'est pas 20 minutes, c'est une heure déjà, franchement. Déjà ça, j'avoue que c'est beaucoup, parce que si tu veux, première partie, normalement une première partie, en règle générale, c'est 10 minutes, même pas. Moi, ce que j'ai vu en tout cas, c'était plus 10 minutes, voire 15, tu vois. Le maximum que j'ai vu, c'était, comme tu l'as dit, 20 minutes, mais c'est vraiment un maximum, hein. Maximum. J'ai déjà fait une fois 20 minutes. Au-delà de 20 minutes, ça devient plus un 30-30, tu vois ce que je veux dire. Genre, c'est ça, oui, plateau partagé, mais il n'a rien à voir. Voilà. Voilà. La personne le connaissait et eux, c'était des stars. Enfin, c'était vraiment le principe de ta première partie, de l'inconnu qui avant les stars. Ouais. Quoi. Le problème, si tu veux, c'est un problème de communication, clairement. Déjà, il n'aurait pas fallu te prévenir toi au dernier jour. Ça, c'est pas normal, oui. Tu vois. Oui, voilà. Bah, peut-être qu'il se doutait que j'allais dire non, peut-être aussi. Je sais pas. Moi, j'aurais dit oui, mais à condition que les gens soient au courant. Il faut que tout le monde sache. Tu sais, regarde, je vais te raconter un truc. J'ai eu dans le podcast une humoriste belge qui s'appelle Manon Lepomme. Et ce qui lui est arrivé, en fait, c'est qu'elle faisait la première partie de Julie Villers. Julie Villers, en fait, elle était enceinte. Et elle avait un problème pendant sa grossesse et tout. Elle était obligée de rester allongée. Ah ouais, d'accord. Pas... Okay. Voilà. Tu vois, pour ouais, conserver, ouais. Pour conserver son calme et, tu vois, et préserver le bébé, quoi. Et, parce que ce n'était pas encore le moment. Donc... Ce qui s'est passé, c'est que le soir même, ils ont dit à Manon Lepomme, Julie a un problème, elle va devoir rester couchée, donc tu ne vas pas faire la première partie. Voilà, tu vas jouer. Là, faut que tout le monde sache ce qu'il en est. Mais la différence, c'est que là, le public était au courant. Bah, voilà. Là, à l'entrée, c'était au point virgule. À l'entrée du point virgule, c'est écrit. Voilà, c'était, enfin, la personne à la caisse disait aux gens, Julie a un problème de santé, c'est Manon Lepomme qui va la remplacer. Et les gens, bon, je sais pas s'il y en a qui sont partis finalement, oui, qui ont un. Oui, après c'est ça, s'ils veulent, ils décident, voilà. Oui, là, voilà. C'est prise d'otage, voilà, c'est le côté prise d'otage. Ça, c'est ça. Et donc mais voilà, cas, ça m'a. Elle m'a dit que les gens étaient quand même, il y a eu un très bon accueil. Voilà, final, non, honnêtement, je me suis trompée de public et je pense que si j'avais fait 10 minutes, ça aurait été le max, ils auraient toléré, mais une heure, c'était vraiment pas possible. Donc ça reste un souvenir. Mais même avec n'importe qui, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je les comprenais pas, au fond. Il faut même pas s'en vouloir à soi. Si le public, en arrivant, parce que le public, à un moment, il vient bien récupérer ses places. Si le public, en arrivant pour qu'on le place, on lui avait dit, mesdames et messieurs, il y a un petit souci, les chevaliers du fiel vont arriver en retard, mais on a une artiste en première partie qui va faire son spectacle. Vous avez son spectacle gratuitement. Oui, c'est ça, c'est plutôt dans ce sens-là, ouais, grave. Non, c'était pas du tout comme ça. C'était terrible. Donc voilà, ça reste la plus grosse galère que j'ai eue jusqu'à présent. Et ben vraiment, je compatis, elle est magnifique. Là, t'avais tout. Là, t'avais le stress. Les moustiques, ouais, j'avais tout. T'avais les gens qui te huent, t'avais les moustiques. T'avais la totale. Là, je crois que tu m'as servi une des plus belles galères du podcast. Merci, c'est gentil parce que ça me fait plaisir d'être dans le podium, si jamais. Et ben franchement, c'est parmi les meilleures anecdotes. Merci. Avec grand plaisir. Merci, Sofiane. Ben, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Oh ben, Joséphine Drahi sur Instagram, en tout cas. Je suis plus Instagram que le reste pour l'instant. Eh bien, parfait. Merci à toi. J'écouterai les épisodes du podcast. N'hésite pas à me faire un retour avec plaisir. Et donc, retrouvez Joséphine sur Instagram. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sofiane et Taï sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi. Salut. Là-bas.